Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, Gaëtan Gosselin au microphone. Heureux de vous retrouver à l'antenne de CKRL, la radio qui aime les arts qui sonnent et qu'on s'intonise au 89.1 sur le poste et à ckrl.qc.ca sur la toile, sur le web. Au programme ce soir, une incursion dans l'univers artistique et sonore de l'artiste finlandais Otso Ladeoja, un familier du Québec puisqu'il nous a visités à de nombreuses reprises et que j'ai eu, pour ma part, la chance de rencontrer Otso dans le cadre d'un séjour artistique avec ses complices Alexandre Berthier et Carl Otto Van Ordzen dans le cadre du Mois Multi. Ça rappelle de beaux souvenirs. Alors, Otso Ladeoja est un compositeur, guitariste et chercheur dans le domaine des arts numériques. Il est titulaire d'un doctorat en musique de l'Université Paris 8 et il enseigne à l'Université des arts à Helsinki, là où il vit désormais. Fasciné par le potentiel de la culture numérique et par l'acoustique active, Otso mène depuis une quinzaine d'années de nombreux projets de création multimédia qui combinent la musique, poésie, l'art de l'installation et la guitare augmentée, la guitare étant son instrument de prédilection. Il a produit quelques albums, performé en spectacle et mené des projets en résidence. J'ai le grand plaisir de l'accueillir ce soir à propos de son dernier album intitulé Ave, un album qui mêle avec beaucoup de finesse des compositions de deux époques imaginaires, imaginées, une série d'œuvres pour piano associées à un matin d'été de 1952 et un ensemble de pièces électroniques inspirées d'une soirée d'automne. On est en 2022. Alors voilà, parole à Otso Ladeoja. Otso Ladeoja, bienvenue à l'émission. Très heureux de te retrouver. Merci, pareillement. Très heureux d'être là. Otso, on est toujours un peu fasciné par les trajectoires artistiques. T'as une formation en musique d'abord, et puis va apparaître l'expérimentation musicale, l'expérimentation sonore. Comment ça émerge cet intérêt pour l'expérimentation, pour la création sonore? En fait, là, comme je suis rentré donc, chez moi en Finlande depuis une dizaine d'années, ça m'a permis aussi de un peu retrouver des racines et des moments plus tôt dans ma vie. Et finalement, en fait, au départ, je voulais aller vers l'écriture. Puis le fait de déménager en France, ça m'a déconnecté de ma langue d'origine, donc le finnois. Donc du coup, il faut trouver autre chose. Donc je me suis mis à faire de l'art plastique, des arts visuels, d'où je suis finalement arrivé à la musique. Donc je crois qu'il y a un fond comme ça de transdisciplinarité ou de peut-être de plasticité finalement que je trouve en fait dans le travail sonore que je fais. Et je crois que l'expérimentation vient de là. Que la musique que j'ai fait n'est pas en fait au fond musicale mais plastique. Oui, très intéressant comme réflexion, comment une pratique un peu détachée de la musique vient transformer notre vision et de la musique et de la création. Otso, si tu veux, on va pour aborder ton travail de création, on va écouter une pièce qui s'intitule le 31/10/2022. Il est 20h46. C'est tiré de cet album intitulé Ave, un album tout récent qui est paru en 2019. Alors, on écoute ça, puis on poursuit ensemble notre conversation. Thank you. Otso, on vient d'entendre cette création tirée d'un très bel album paru en 2019, intitulé en finlandais Ave, qui signifie fantôme, n'est-ce pas, en français. C'est un album qui nous propose un voyage assez étrange dans le temps. Raconte-nous un peu l'histoire de ce projet. Ok, donc c'est venu avec un piano qui a atterri chez nous, qui est de 1952. Qui nous a été donné, qui est un tout petit peu cassé, mais un bel instrument quand même, assez massif, en bois épais et qui respire un certain temps, une certaine époque. Et je me suis procuré quelques bons microphones que j'ai insérés dans ce piano dedans, très près des mécaniques de l'instrument. Moi qui ne suis pas du tout pianiste, j'aime beaucoup le son de cet instrument particulièrement, avec ses défauts aussi. Et donc du coup, j'ai fait des sessions d'improvisation avec cet instrument à la maison, avec les microphones dedans, dans son ventre si on veut, qui donne le son de cet album où on a cette résonance pianistique, mais aussi côté claquant de la mécanique un peu ancienne aussi, des grincements, des choses comme ça. Et j'aime bien aimer cette matière sonore. Et puis, donc Ave, ça veut dire fantôme, et c'est aussi un album de discussion avec mon grand-père qui a vécu à cette époque-là et qui, j'ai trouvé des photos, c'est quelqu'un que j'ai pas connu particulièrement. Qui est décédé quand j'étais très très petit. Donc du coup, c'était un peu une époque où j'ai découvert des photos qu'il a pris lui. Il était journaliste. Et donc du coup, une sorte de discussion avec ce piano et son fantôme à lui. C'est très intéressant comme travail, comme album, cette espèce de va-et-vient de 1952 à 2019. On va écouter, si tu veux, un autre extrait de cet album, intitulé cette fois le 11 du 7 1952, donc le 11 juillet 1952. Et il y a l'heure, 6h03. Il y a une signification particulière pour ce qui est des heures, Otso? Est-ce qu'il y a une référence biographique ou... Non, c'est imaginé, en fait. Là, c'est, je pense, à la lumière du matin. Donc, en Finlande, en été, la lumière est constante. Elle a une qualité très particulière, tôt le matin ou tard le soir. Et puis pour les autres titres où il y a des heures de soir, c'est, je pense notamment à mon travail avec ce piano le soir. Donc c'est aussi un dialogue des heures et donc des années, donc de mon temps à moi en 2019 et le temps de mon grand-père dans les années 50. Et on écoute ça. Thank you. Otso, dis-moi, comme de nombreux créateurs, t'as pas échappé aux effets de la pandémie mondiale. Tu as produit un album intitulé House Music, hein, sur lequel on retrouve deux titres et des titres en français. Je croyais que j'étais en mode traduction, mais non, c'est deux titres en français, musique à danser et puis musique à penser. Comment ça apparaît, cette combinaison de la danse et de la pensée? Ah, ben, on pourrait peut-être dire que la pensée vient de la danse. Je ne sais pas si on peut dire l'inverse, mais en tout cas, quand j'étais jeune et quand j'ai découvert un funkadelic et qu'il y avait Free Your Mind and Your Ass Will Follow, et puis l'inverse fonctionne aussi, ça c'est quand même fondateur moi aussi, pour moi aussi. Mais ces deux titres étaient créés donc quand il y avait le blocus de Corona. C'était du travail nocturne à la maison avec un tout petit home studio à ma disposition avec un casque. J'aime pas beaucoup de travail avec un casque, mais là c'était obligé parce qu'il fallait que la famille dorme. Et je me suis retrouvé un peu dans les années 90. Avec la techno qui débarquait en Finlande à cette époque-là, qui était une très belle époque aussi. D'où musique à danser avec ces ambiances-là de très physique et puis musique à penser, peut-être comme un contre-pouvoir pour ce mouvement. Oui, tout à fait. On va écouter un extrait de cet album, un extrait de Musique à penser, qui est une pièce tout de même de longue durée. Alors, on écoute ça. Thank you. bien, voilà ce qui complète la première demi de ma conversation avec l'artiste finlandais Otso Ladehoja. On est en train d'écouter Musique à penser. Alors, restez les nôtres, on est de retour après un bref battement promo et la suite de mon entretien avec Otso. CKRL 89.1. Vous écoutez La Croche-Oreille. On est de retour, c'est La Croche-Oreille en direct avec vous jusqu'à 22h depuis les studios de CKRL à Québec, dans Limoilou. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que les quelques 300 émissions archivées jusqu'à maintenant, lacrocheoreille.wordpress.com. Vous trouverez ça facilement. Vous retrouverez aussi de l'information sur l'émission et l'environnement des arts sonores du Québec sur Facebook à la rubrique La Croche-Oreille Radio. Je m'entretiens ce soir avec l'artiste sonore, guitariste, compositeur et chercheur Otso Ladehoja, un artiste finlandais qui s'intéresse depuis quelques années à la création intermédia, aux instruments augmentés, la guitare notamment. Il s'intéresse à l'acoustique active et à ce qu'il nomme les humanités numériques. Et voilà, pour Otso, l'imagination grandit à partir de l'inconnu et à la mesure de ces territoires non cartographiés qui nous offrent la possibilité d'imaginer autre chose. Je referme les guillemets. Otso nous entretient en seconde demi de ses albums Dendermond, House Music, Electronic Music Chamber. Il commente ses projets à venir et nous parle notamment du contexte de la création artistique actuelle en Finlande en ces temps de grandes tensions entre l'Occident et la Russie. Alors, parole à Otso Ladehoja. Otso, jusqu'à maintenant, on n'a pas abordé le fait que tu étais guitariste. Tu travailles beaucoup avec la guitare augmentée, tu exploites le potentiel sonore de l'instrument. Mais dis-moi, bon, t'en as un peu parlé, mais qu'est-ce qui t'inspire en général dans le monde de l'art pour le démarrage d'un projet, là? Est-ce que c'est quelque chose d'accidentel ou encore tu as une espèce d'obsession pour certaines questions particulières sur le plan artistique, sur le plan sonore? Comment ça démarre les projets pour toi? Ça a pas mal bougé et évolué en fait. Et peut-être que maintenant avec un peu de parcours, je suis peut-être quelqu'un qui doit changer aussi. Il y a une constance dans le fond, mais les projets peuvent prendre des formes assez diverses et variées. Donc, je travaille aussi en art sonore, façon installation, très proche des arts plastiques. Et aussi, je travaille en tant que chercheur à l'université. Donc, il y a un côté comme ça, académique dans mon travail. Et les aventures avec les instruments augmentés, donc du coup, ça, c'est lié à ce travail de recherche. À l'université, mais j'ai toujours maintenu un équilibre entre le côté théorique au développement de l'instrument et puis la musique qui en découle. Donc, pendant longtemps, il y avait un filon comme ça où la guitare était au centre des choses. Ça a été guitare, parfois acoustique, guitare, parfois électrique, mais toujours avec des augmentations, des traitements de signal qui sont associés. Et puis peut-être plus récemment, ça c'est parti. Donc du coup, il y avait ce disque Ave avec ce piano un peu qui est arrivé un peu au hasard comme ça. Et puis de plus en plus avec des dispositifs électroniques où la guitare est peut-être plus en arrière-plan maintenant. Puis il y a un disque que tu ne trouves pas sous mon nom à moi, mais qui est intéressant dans le travail entre électronique et acoustique. Ça s'appelle Electronic Chamber Music. Donc ça, c'est un groupe que j'ai formé ici à Helsinki, et c'est vraiment donc à cheval d'un son très très acoustique, très très acoustique, avec un violon, une guitare classique, une contrebasse et puis un synthétiseur modulaire analogique. Et des traitements. J'aime beaucoup le son de ce disque-là aussi. Ouais, ben écoute, on va en écouter un extrait. Et dis donc, Otso, bon, on s'est croisé au Canada il y a une dizaine d'années, au Québec, dans le cadre du mois multi. Il faut dire que tu as beaucoup voyagé, c'est une époque où tu voyageais beaucoup. Et dis-moi, comment tu décrirais le monde des arts sonores en Finlande aujourd'hui? Comment ça se passe pour la création sonore, l'expérimentation musicale, audio? Ce que je retrouvais à Québec il y a une dizaine d'années, c'était vraiment très très vivant et vibrant quelque part. Bon, faut dire que je trouve pas la même chose ici. La communauté est assez petite. Il y a un intérêt pour le travail sonore et les arts sonores ici qui est grandissant, je dirais. Mais la scène est quand même un peu petite. Là, il y a toute une période où j'ai pas beaucoup voyagé. Puis il y a aussi le Covid et puis les considérations écologiques qui rentrent en jeu, mais là donc il est question de me relier plus à l'Europe par des voies terrestres ou maritimes, et justement donc une résidence à Marseille qui commence bientôt, et puis d'autres plans comme ça pour être un peu plus en contact. Là, en Finlande, actuellement, donc, on a une frontière longue avec la Russie, et l'ambiance n'est pas, comment dire, l'ambiance est assez grave, je dirais, même aussi pour la création. Je suis en train d'organiser une réflexion, enfin un réseau et une réflexion sur la géopolitique autour de la Baltique et les arts, parce qu'effectivement, la situation est assez tendue. Otso, si tu veux, on va écouter une création tirée de l'album d'Endermonde. Ça s'intitule Banshee. On écoute ça, puis on poursuit ensemble. Thank you. Ouais. Otso, dans ce projet d'Endermonde, tu parles de ce projet comme un essai de chamanisme technologique. Je traduisais le texte. Est-ce que c'est encore une question qui t'anime sur le plan artistique, cette idée du mystère, des technologies, des influences que ça a sur nos modes de vie, puis sur la création en particulier? Bon, depuis ça, je pense que je suis devenu peut-être plus critique envers la technologie en soi. Mais après, la question d'une transcendance ou d'un dépassement par le son ou le sonore ou l'artistique, c'est tout à fait au centre de mes préoccupations. Je pense que ça le restera toujours. Je le vis ainsi. En ce moment, je perçois un changement ma perspective envers la technologie. Donc, si on prend il y a une dizaine d'années ou quelque chose comme ça, il y avait la technologie ouvrait quelque chose. Justement, les technologies sonores ou l'augmentation des instruments, des choses comme ça où j'étais impliqué. Et je trouvais qu'il y avait vraiment l'ouverture vers des sonorités, des possibles sonorités, des sonorités du possible. Et c'était un plaisir fou d'explorer ça. Et je trouve, par rapport à la technologie numérique, par exemple, actuellement, je trouve pas qu'il y a. Cette ouverture, c'est un peu, peut-être, consommée, quelque part. Et donc, du coup, mes ouvertures à moi sont un peu ailleurs actuellement aussi. Je suis à la recherche un peu des nouvelles pistes aussi. Otso, même si on parle des projets à venir, on va écouter un extrait d'un album qui date de 2011 qui s'intitule Yonder. Très bel album où on a vraiment une bonne idée du travail à la guitare augmentée que tu exploites. Alors, une pièce intitulée Substract. On écoute ça. Thank you. Otso, pour clore notre conversation, qu'est-ce qui s'annonce pour toi sur le plan de la création et de la recherche dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Justement, là, on a écouté pas mal de choses enregistrées, donc c'est du travail de studio méticuleux, du sort de crafting sonore. Et là, je travaille plus tellement comme ça. C'est lié à cette perspective qui change. Et actuellement, j'essaie de travailler le son électronique dehors, en plein air. Et aussi cet hiver, notamment, donc la Finlande qui partage un même type de climat que le Québec, il fait froid, il y a de la neige en hiver. aussi, donc dehors en hiver, dans ces conditions nordiques. Et donc il y a un autre rapport au son, il y a le sonore de l'environnement qui est présent, et puis aller là et faire du son électronique avec des moyens portables, avec les mains gelées aussi, ça c'est ce que je fais actuellement, que je développe actuellement en tant que travail sonore et aussi recherche artistique. Et il y a aussi la question de est-ce qu'il y a des enregistrements qui vont résulter de ça, que je vais publier ça, c'est une question. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un art de l'éphémère qui... Que ça restera juste local et momentané. Je suis attiré par cette dimension. Et en même temps, là, on revient sur l'enregistrement, c'est quand même sympa aussi d'avoir une trace historique des choses qui ont été réalisées. Donc, un questionnement là-dessus, à voir. Et résidence, je crois, résidence dans quelques semaines à Marseille avec des collègues du Québec. Tout à fait, avec Alexandre Berthier, artiste franco-québécois, et donc travail sonore en mouvement, on a appelé ça unité sonore mobile, qui va se déployer à Marseille, en tout cas je l'imagine, et explorer donc les localités ou les situations, les environnements sonores, et y faire du son. Et justement, électronique dans ce cas-là. Et peut-être aussi faire partie du soundscape, quelque part. Otso, la DOIA, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre ce matin. C'était très, très chaleureux, très intéressant. Merci. Grand merci à toi. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de l'artiste sonore, enseignant et chercheur Otso Ladeoya. Grand merci à Otso de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres qu'on retrouve sur la plateforme Bandcamp et qui sont propulsées par le label Ely Records, un label très intéressant. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue.